My tailor is rich. Don't know this song. partir de zéro, mais des fois c'est zéro. Ça reste à zéro.